Oui. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Jérémy et je viens vous parler des tournesols à Taïwan. Mais c'est pas de la botanique. Les tournesols à Taïwan, en fait, c'est un mouvement étudiant qui a eu lieu en 2014. Voilà. Donc, je vais penser à ce sujet. J'ai pensé à ce sujet parce que j'entends beaucoup parler des indignés ici de Podemos ou de Occupy, mais il y a aussi eu un mouvement similaire à Taïwan et je pense que pas beaucoup de gens sont au courant, donc c'est l'occasion d'échanger sur le sujet. Alors avant de parler du mouvement en lui-même de 2014, j'aimerais bien revenir un petit peu sur le contexte à Taïwan parce que c'est une situation un petit peu compliquée sur le plan international, on va dire, ou géopolitique. La question de la relation avec la Chine, en fait, qui rentre dans cette histoire des tournesols. Voilà. Donc, pour commencer, je vais présenter quand même en chinois les tournesols. Ça se dit comme ça. Alors, je ne sais pas si quelqu'un arrive à lire, mais ça se dit Tai Yang Hua Shui Yun. Tai Yang Hua Shui Yun. Ça veut dire mouvement étudiant des tournesols. Voilà. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une occupation du Parlement taïwanais en 2014. Du 18 mars au 10 avril, pour être très précis. Alors, je reviens sur le contexte d'abord. En fait, cette occupation, elle intervient après... Oui, c'est ça. Oui, c'est déjà bien s'asseoir devant l'Assemblée, en effet. Et donc, le point de départ, c'est la signature d'un accord commercial entre Taïwan et la Chine. Alors, pourquoi c'est sensible? Parce que les relations entre la Chine et Taïwan sont très compliquées pour plusieurs raisons. Elle est d'ordre historique et d'ordre politique, d'ordre historique et politique. En fait, le statut de Taïwan n'est pas très clair. C'est un pays souverain avec sa propre armée, sa propre monnaie, ses propres institutions, sa propre constitution, mais officiellement, il n'est pas membre des Nations Unies. Tous les pays du monde n'en connaissent pas Taïwan. En fait, une sorte de d'entre quo. C'est un pays indépendant, mais non reconnu. Et la Chine, bien sûr, est très défavorable à l'indépendance de Taïwan, c'est-à-dire en fait que Taïwan s'appelle par exemple République de Taïwan, alors qu'aujourd'hui ça s'appelle République de Chine. Oui, Taïwan s'appelle la République de Chine et non la République de Taïwan. Donc la Chine est défavorable aussi au fait que Taïwan change de drapeau et tout un tas de choses de ce genre-là. Et à Taïwan, en fait, il y a deux oppositions fondamentales, c'est par rapport à l'attitude à avoir avec la Chine. Il y a ce qu'on appelle le camp vert, c'est-à-dire le camp qu'on pourrait appeler indépendantiste, qui est favorable à des mesures qui éloigneraient de la Chine, d'une part, et d'autre, donc, par exemple sur le plan commercial, et d'autre part, favorable à des mesures vers une indépendance formelle, on va dire. Hein. Et de l'autre côté, il y a le camp bleu, hein, qui est emmené par un parti qui s'appelle le Kuomintang, et qui, lui, est plutôt favorable, si ce n'est à la réunification, mais en tout cas à avoir un rapprochement et des relations plus poussées avec la Chine. Et donc, le traité en question, signé en 2013 à Shanghai, qui s'appelle le CSSTA, c'est un accord de libre-échange sur les services entre la Chine et Taïwan. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que cet accord devait être examiné au Parlement article par article. Mais le 18 mars, les parlementaires ont décidé, enfin les parlementaires de la majorité, donc du Kuomintang, ont décidé de lire le texte de loi en bloc. Et depuis quelque temps, il y avait des manifestations importantes à Taïwan contre ce projet d'accord. On parlait de même de... Je crois qu'il y a eu 10 000 personnes qui manifestaient. Et le jour où les étudiants ont appris que l'accord allait être revu, examiné en bloc, ça a provoqué l'intrusion dans le Parlement taïwanais. Donc 400 étudiants sont rentrés le 18 mars. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle aussi le mouvement des tournesols, le mouvement du 18 mars 318 en chinois, parce qu'ils sont entrés et ils ont occupé le Parlement pendant 23 jours. Donc du 18 mars au 10 avril. Si j'en trouve, c'est 23 jours. Voilà. Alors comment ça s'est résolu, ce problème? C'est que donc, les étudiants ont occupé le Parlement, se sont organisés. Donc il y avait la sécurité, le couchage, le logement sur place, la nourriture. Il y avait des débats organisés à l'intérieur. Mais en même temps, il y avait un dialogue avec les autorités. Et notamment avec le président du Parlement, qui est un adversaire politique du président de la République taïwanaise, et ils se sont entendus sur, non pas l'accord lui-même, mais sur l'examen de tout accord commercial entre la Chine et Taïwan, et sur en fait le contenu d'une loi cadre. Et cette loi cadre devait être adoptée avant l'examen du texte lui-même. Donc ce qui fait que le texte n'a pas été examiné ni adopté avant adoption de la loi cadre. Donc ils sont parvenus à un compromis le 6 avril, et donc le 10, les étudiants sont partis, et ils ont nettoyé le Parlement avant de partir, ils ont fait place nette, tout propre, tout beau, et après le mouvement s'est arrêté. Voilà. Alors il y a eu plusieurs conséquences. D'abord, il y a des conséquences d'ordre politique. Il y a des conséquences sur le traité lui-même, pardon, je vais commencer par ça, le traité n'a pas été adopté. Voilà. Donc le traité n'a pas été adopté. Qui devait être signé et examiné, ça n'a toujours pas été adopté. Et dernièrement, il y a des élections à Taïwan, je ne sais pas si vous êtes au courant, en 2016, et c'est les Verts, donc ce qu'on appelle le PDP, Parti démocrate progressiste, qui les a remportés, et il n'est pas du tout favorable à signer un accord avec la Chine, parce que c'est plutôt les indépendantistes. Donc l'accord, pour l'instant, il n'est pas signé, il est peu probable qu'il soit signé à bref échéance, je ne sais pas s'il sera signé un jour, mais pour l'instant, il n'est pas signé. Ensuite, à partir du mouvement des tournesols, ont émergé plusieurs partis ou mouvements politiques à Taïwan, notamment un parti qui s'appelle le New Power Party, donc le nouveau parti du nouveau pouvoir, si on veut, qui est de couleur jaune, parce que les couleurs sont très importantes, qui est plus proche des verts que des bleus, et qui a remporté 5 sièges au Parlement aux dernières élections. Et ce parti, bien sûr, est défavorable au traité. Et en fait, une partie des leaders de ce parti sont des leaders du mouvement étudiant du 18 mars. Donc il y a par exemple un chanteur de hard rock qui s'appelle Freddy Lin, qui est une des figures de proue de ce parti, qui a été élu député. Voilà. Le groupe s'appelle Tonis, C-H-T-H-O-N-I-S, un groupe de métal taïwanais qui est assez connu. Et donc c'est un des leaders, le leader de ce groupe est aussi un leader du mouvement du 18 mars, et le leader du parti, le parti du nouveau pouvoir, le New Power Party. Voilà. Ensuite, il y a des conséquences sur le plan électoral, parce que le Kuomintang s'est beaucoup divisé, le Kuomintang a beaucoup cédé, et le Kuomintang a perdu plusieurs séries d'élections. En 2014, les élections locales, les mairies, c'est une sorte de vague verte. Par exemple, Taipei, la capitale, est repassée dans le camp vert, alors que c'était dans le camp bleu jusqu'alors. Et après, ils ont encore perdu les élections présidentielles et législatives de 2016. Donc ça n'a pas été sans conséquence pour le Kuomintang. Un parti, quand même, je le rappelle, qui a été créé en 1911 en Chine. Donc c'est un très vieux parti, très riche aussi. Ils ont eu le temps de réquisitionner plein de biens à Taïwan qu'ils n'ont jamais rendus. Donc ils ont plein d'argent, mais ils ont quand même perdu les élections. Voilà. Et il y a une conséquence aussi qui est celle de l'extension du mouvement, parce que peu après, à Hong Kong, justement, vous avez peut-être entendu parler du mouvement des parapluies. Voilà. Et qui était un petit peu sur le même mode. Alors là, ça concernait l'élection à Hong Kong du gouverneur. Pour être très exact, en fait, le gouverneur est élu sur un système un petit peu complexe, mais il est désigné à l'avance par Pékin. Enfin, les candidats sont désignés à l'avance par Pékin, ne peuvent pas candidater librement, et donc les Hongkongais étaient opposés à ça. Ils ont occupé le quartier d'affaires de Hong Kong, qui s'appelle Central, pendant plusieurs jours, mais malheureusement, là, ça n'a pas abouti, les revendications, et donc c'est surtout la répression qui a eu cours, parce que les leaders sont encore poursuivis aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus d'occupation à Hong Kong des rues. Voilà, et je termine par le fait que... ce qui est important aussi, c'est que aucun mouvement actuel n'a repris l'étiquette de tournesol. Hein. Donc il y a d'autres mouvements que le parti politique dont j'ai parti. Il y a des mouvements, par exemple, sur le référendum à Taïwan, pour qu'il y ait un plus grand usage des référendums, mais aucun ne reprend l'étiquette de tournesol. Voilà. Donc, pour conclure, en fait, je vais dire que à Taïwan, d'une certaine manière, c'est moins idéologisé qu'en France. On parle moins de droite, de gauche, de libéralisme, de capitalisme. On se place plus dans le débat des rapports avec la Chine selon les critères bleu ou vert. Voilà. Mais il y a beaucoup de mobilisation locale, notamment environnementale. Et là, c'était quand même un exemple assez rare, finalement, à Taïwan, de mouvement populaire qui est allé très loin, quand même, jusqu'à occuper un bâtiment officiel. Et c'est, si je ne me trompe pas, il n'y a pas eu un mouvement d'ampleur à Taïwan. Le dernier avant celui-là, il date de 2006, en fait, pour la révocation du président précédent, voilà, qui s'appelle Chen Shui-bian. Donc il y avait une manifestation monstre dans les rues, plusieurs milliers, centaines de milliers de personnes, ce qui est énorme parce que Taïwan ne fait que 23 millions d'habitants, donc quand il y a 500 000 personnes dans la rue, c'est colossal. Et il n'y a rien eu entre 2006 et 2014 de très grande ampleur. Donc là, c'est quand même un exemple de mouvement important à Taïwan, ce qui est rare. Et un dernier point pour finir, c'est sur la structure du mouvement des tournesols. C'était tout de même très encadré par les ONG locales à Taïwan qui sont très actives, qui s'organisent beaucoup en dehors des partis. Et donc le mouvement était très hiérarchisé à l'intérieur du Parlement, beaucoup moins horizontal que ce qu'on peut connaître nous ici à Nuit Debout ou ailleurs dans le monde. Et il y avait aussi des porte-paroles, des groupes qui négociaient avec le président du Parlement. Donc il y avait toute une structure du mouvement qui s'est créée. Donc il ne faut pas non plus se méprendre. C'est pas le Nuit Debout taïwanais. Hein, on est d'accord là avec ça. C'est un mouvement spontané d'occupation. Ça, c'était pas prévu comme ça, je pense, longtemps à l'avance. Ça s'était fait grâce à l'opportunité de la manifestation. Mais c'était quand même très structuré, très encadré, très hiérarchisé, très organisé. Et il s'est arrêté, donc, comme je l'ai dit, le 10 avril de lui-même, à partir du moment où l'accord a été trouvé. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait cette présentation, si vous avez des questions, évidemment, je serais ravi de pouvoir y répondre. Voilà, si vous pouvez prendre le micro bien par ici et pas appuyer sur le gaffeur bleu. Alors, est-ce que ça donne une opinion sur l'organisation par exemple, par rapport à Nuit Debout, est-ce que si on serait plus efficace, si on était plus organisé, etc., plus hiérarchisé? Non. Oui, j'ai pas de réponse particulière par rapport à ça. Moi, je fais pas le parallèle entre Nuit Debout et le mouvement des tournesols. Je vais juste donner un exemple de mouvement qui est... Les caractéristiques sont de se focaliser sur une revendication très précise, c'est un accord commercial entre Taïwan et la Chine. Et d'ailleurs, ça s'est arrêté quand cet accord n'a pas été adopté. Ça, c'est une première différence avec ce qui se passe ici. Et deuxièmement, il faut voir aussi que c'était encadré par des ONG et des activistes, donc des gens qui avaient déjà une structure avant préexistante et qui ont pu après s'organiser au moment de l'occupation. Voilà, c'est pas d'auto-organisation en fait. Il y avait des structures existantes avant. Alors l'efficacité, si on regarde les faits, oui, ça a été efficace parce que le projet n'a pas été adopté. C'était le but initial et de manifestation et du mouvement. Après, est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour ici? J'ai pas du tout la réponse. Voilà. C'est quoi la réponse? On est vraiment déçus. Alors attends, je le remets un peu en place. Voilà. Ça devrait aller. Donc, j'ai deux questions du coup par rapport à aux mouvements sociaux à Taïwan. Donc, est-ce qu'il y a une culture du mouvement social au-delà du fait bien sûr que tout rapport conflictuel avec la Chine est très très mobilisateur, ce qui est logique au vu de son histoire. Et deuxièmement, est-ce que au moment du mouvement des tournesols, donc tu m'as dit que l'occupation s'est faite à l'occasion d'une manifestation étudiante, d'accord? Sociologiquement, est-ce que tu sais à peu près de quoi étaient composés en fait, comment étaient se positionnaient les occupants? Est-ce que ils faisaient partie d'une élite réellement taïwanaise et est-ce qu'ils avaient des moyens de communiquer en fait avec des parents à eux, des choses comme ça, qui avaient les moyens eux de lancer les pourparlers, si je puis dire? Au moment du dialogue avec le président du Parlement, j'imagine qu'ils sont passés par leur propre réseau, les étudiants. Qu'on n'est pas juste venu les voir en les laissant occuper, enfin, ou alors à moi qui ai cette culture-là, mais je pense ça m'étonnerait. Donc ça veut dire qu'il y avait forcément une connivence entre les étudiants qui ont occupé et une certaine frange politique qui a permis cette occupation et qui pouvait en fait la laisser se passer. Alors double question, donc double réponse. Alors la première partie, le mouvement syndical à Taïwan est relativement faible. Bien sûr, il y a des syndicats, mais pendant très longtemps, ils ont été encadrés par le Kuomintang, qui était en fait, non pas un parti, mais un parti-État. Jusque dans les années 90, c'était un parti-État. Les mouvements sociaux à Taïwan, il y en a, mais c'est plus lié... les mobilisations sont surtout d'ordre environnemental, écologique, par exemple, projet d'installation centrale nucléaire, projet d'aménagement du territoire, là, ça mobilise fortement. Il y a, si je ne me trompe pas, assez peu de grèves générales à Taïwan, de blocages, parce que, un, les syndicats sont faibles, et deux, la structure, c'est quand même beaucoup de PME, et pas de très grandes entreprises. La plupart des entreprises sont en Chine et non pas à Taïwan. Donc c'est très éclaté et c'était très encadré pendant très longtemps par le Kuomintang. Donc il faut aussi qu'il y ait une indépendance qui se passe par rapport aux structures anciennes, les syndicats qui ne sont pas très autonomisés de ce point de vue-là. Et deuxièmement, le social mobilise assez peu à Taïwan. C'est plus l'environnemental ou les droits, par exemple les droits civiques qui mobilisent beaucoup, mais beaucoup moins le social. Et deuxièmement, sur le déroulement du mouvement. En fait, si je remets dans le contexte, le président du Parlement est venu parce qu'il y a vu une opportunité politique vis-à-vis du président, qui est son adversaire, même s'ils sont du même parti. Donc il s'est dit, je vais négocier un accord avec eux, ça va embêter mon adversaire, Ma Ying-jeou, qui est l'ancien président taïwanais. Mais l'accord en tant que tel a été très critiqué au sein du mouvement, parce que ça n'a pas été débattu ni pris en commun. C'est un sous-groupe du mouvement étudiant qui est allé négocier avec le président. Et ce sous-groupe, c'est sous réserve, parce que je vais regarder en détail, mais c'est constitué déjà de leaders d'ONG et de leaders de partis qui participaient ou d'associations qui participaient à la mobilisation, qui sont allés discuter avec le Parlement. C'est pas du tout des étudiants qui se sont organisés pour dire on va désigner un groupe. Non, c'est déjà des structures préexistantes qui ont après pu mettre en place une négociation avec le président du Parlement. Donc en fait, c'est moins une question d'élite qu'une question de groupe organisé, en fait. Voilà. Moi, j'avais deux questions parce que j'ai pas été super attentif à cause du bruit de la musique qu'il y avait à côté là. Et donc c'était sur si tu pouvais nous développer un peu sur le Kuomintang, c'est quoi exactement? Ça a une consonance un peu communiste. C'est quoi? C'est un mouvement d'obédience qui est chapeauté par les Chinois? Non, pas du tout, non. Et une autre question aussi, c'est en quoi, pourquoi ce traité commercial a mobilisé autant les étudiants, enfin là, ou la population, enfin je sais pas pourquoi il y a eu cette occupation, quel était vraiment le problème de ce traité commercial? Oui, alors le Kuomintang n'est pas du tout un parti communiste, c'était même l'adversaire du parti communiste pendant très longtemps, voire même l'adversaire mortel puisqu'ils se sont fait la guerre. En fait, le Kuomintang a été créé en Chine. Quand ça a été créé, Taïwan ne faisait pas partie de la Chine, c'était une colonie japonaise. D'accord. Donc c'est écrit en 1911, après la suite d'un mouvement qui s'appelle la Ligue Jurée, par Sun Yat-sen, peut-être certains connaissent, un révolutionnaire chinois. C'est écrit en 1911 et ensuite ça a été le parti au pouvoir en Chine jusqu'en 1949, d'accord, notamment pendant toute la Seconde Guerre mondiale, c'était le parti au pouvoir. Et il y a eu une guerre civile avec les communistes. Ils se sont réfugiés à Taïwan, le Kuomintang, avec le régime qui s'appelle la République de Chine. Donc on a d'un côté République populaire de Chine, ce qu'on appelle nous la Chine, ou Chine continentale, et de l'autre côté République de Chine, le Kuomintang et Chiang Kai-shek à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc pendant très longtemps, le Kuomintang voulait reconquérir la Chine. Donc Taïwan, c'était la base arrière pour la conquête de la Chine. Mais ça s'est jamais fait parce qu'il y avait un problème de moyens et de soutien. Et cet objectif a été abandonné. Et depuis quelques années maintenant, il y a un rapprochement entre le Kuomintang et le pouvoir chinois. Et ça, c'est par rapport au fait qu'il y a une troisième force à Taïwan, qui est la force indépendantiste, voilà, qui prend de l'ampleur. Et donc, il y a une sorte de politique de rapine contre les Verts, les indépendantistes taïwanais. Donc c'est plus un jeu politique qui fait que le Kuomintang se rapproche de la Chine aujourd'hui. Voilà. Mais c'est pas du tout un parti communiste ni contrôlé par les Chinois. C'est un parti taïwanais qui est proche de la Chine, beaucoup, et contrairement à cet adversaire qui, lui, veut même déchiniser Taïwan. C'est pour dire à quel point ça va loin, c'est qu'il voulait déchiniser Taïwan pendant un moment, ça veut dire réécrire l'histoire de Taïwan du point de vue taïwanais, et non plus comme un élément de l'ensemble chinois, comme c'était le cas avant. Et deuxièmement, pourquoi cette mobilisation? D'abord parce qu'il y a le contexte économique compliqué à Taïwan, où même si le taux de chômage est bas chez des jeunes, est de 12% tout de même. Donc les jeunes ont la crise du logement, problème de salaire, enfin des problèmes qu'on connaît aussi nous en Europe. Et il y avait la crainte que cet accord commercial contribue à aggraver ces problèmes. Donc il y avait cet aspect-là. Et deuxièmement, il y a l'aspect des relations avec la Chine. Il y a une crainte par rapport à la souveraineté de Taïwan, un risque de dépendance. En signant des accords avec la Chine, on se rapproche de plus en plus. Et c'est donc de plus en plus difficile de pas être sensible aux pressions éventuelles de la Chine si on se rapproche commercialement d'elle, surtout que c'est pas le seul accord qui a été signé. Hein. Il y a d'autres accords qui ont été signés avec la Chine. Enfin, c'est un cadre général d'accord dont celui en question était un des accords de cadre. Voilà. Et donc la manifestation a beaucoup mobilisé. Alors pourquoi celle-là en particulier, ça je ne saurais pas le dire. Et c'est au cours de cette manifestation qu'il y a eu l'intrusion dans le Parlement et l'occupation pendant 23 jours du Parlement. Voilà. Ensuite, vous dites qu'il en est issu un mouvement politique, un parti politique qui est représenté au Parlement, et les leaders de ce parti politique qui viennent du mouvement étudiant ou des ONG, c'est les voilà. Ben, en fait, c'est pas vrai. Enfin, ce parti, il a émergé, mais ses leaders, c'est un professeur de droit et un chanteur de métal. Principalement. Donc c'est pas vraiment des étudiants, même s'ils sont liés au mouvement étudiant. Et je crois pas qu'ils soient... En tout cas, un n'est pas filié à une ONG, le professeur de droit. Je pense que c'était simplement l'opportunité d'être dans le mouvement qui a fait que après il s'est assuré de structure. Mais par contre, le chanteur de métal, je crois qu'il était déjà membre d'autres mouvements avant, indépendantistes, écologistes. Et donc, oui, il y a quand même une partie de la structure d'ONG qui se retrouve dans le nouveau parti qui est apparu à Taïwan en 2015, en fait, en début 2015. Voilà. Donc, 9 mois après, le mouvement Tournesol. Voilà. Je voudrais parler sous ta réserve, mais est-ce que donc les relations en fait économiques et diplomatiques avec la Chine, elles peuvent éclairer encore mieux cette question-là du mouvement et de sa réussite finalement? En gros, la Chine, elle impose à tous ses partenaires diplomatiques de choisir. C'est-à-dire que si tu veux une ambassade de Chine, c'est soit l'ambassade de la République de Chine, donc de Taïwan, soit l'ambassade de la République démocratique populaire de Chine, si tu veux. Donc déjà par rapport à Taïwan, il y a une grosse force de pression puisque à partir du moment où dans les années 80 tous les pays de l'OMC commencent à reconnaître la Chine pour des raisons d'ouverture économique, Taïwan n'a plus si tu veux de lien diplomatique direct avec la plupart des puissances mondiales, ni à l'ONU d'ailleurs. Voilà. 20 pays aujourd'hui qui reconnaissent Taïwan et une volonté des grands entrepreneurs et investisseurs taïwanais d'investir en Chine. Ils ont beaucoup investi à Hong Kong pendant toute la période donc de domination britannique et à l'ouverture, enfin à la réappropriation de Hong Kong par la Chine en 1897, c'est 99 ans, voilà, c'est ça. Et donc c'est ces entrepreneurs-là taïwanais, si je me trompe pas, qui ont une volonté très très forte en fait de renouer les liens avec la Chine parce qu'ils ont la possibilité là-bas, si tu veux, d'investir. Et d'ailleurs, ils sont très très souvent impliqués dans les plus grandes entreprises chinoises, que ce soit de fonds d'investissement, d'industrie, ou etc. Et je me demande si tu, enfin, est-ce que c'est un rapport direct si la plupart des travailleurs là-bas s'inscrivent au sein de PME, donc sont des salariés, est-ce que ces gens-là n'ont pas un intérêt inverse justement de celui des grands investisseurs taïwanais, dont ceux qui ont voulu construire la tour Taipei, comment c'est Taipei quand même 101, voilà. Donc je ne sais pas si ça peut éclairer plus de choses ou si ça peut donner envie de parler d'autres choses. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Même on peut le voir au niveau de la structure des partis, parce que le PDP, donc le Parti Vert, était soutenu justement par les petits entrepreneurs, les entrepreneurs des PME, et le Kuomintang, au contraire, lui, par les grands entrepreneurs qui, eux, sont aujourd'hui investisseurs à Hong Kong et en Chine, notamment dans la province du Fujian, qui est en face de Taïwan, et le dialecte est le même, en fait. Le taïwanais, c'est en fait le dialecte du Fujian. Donc il y a aussi des liens qui se créent parce qu'il y a une facilité d'investissement vu que la communication est plus simple avec la Chine. Et comme exemple d'entreprise, on peut prendre Foxconn, le fabricant d'informatique qui est taïwanais, mais qui est implanté derrière Shenzhen, à Dongguan. Et donc, en fait, les grands entrepreneurs ont tout à fait intérêt à ce que les liens se resserrent avec la Chine, puisque ça va dans le sens de leurs investissements. Les petits, non, parce qu'ils ne sont pas forcément exportateurs vers la Chine, mais vers d'autres marchés. Et deuxièmement, ils subissent, eux, la concurrence, par exemple, de produits réimportés. Donc, ce n'est pas forcément intérêt à ce que les liens se resserrent entre la Chine et Taïwan. Et pour revenir sur l'aspect diplomatique, voilà, comme je le disais, il n'y a que 20 pays aujourd'hui dans le monde qui reconnaissent Taïwan en tant que tel, et on ne peut pas reconnaître les deux. La Chine demande à ce qu'on adhère au principe d'une seule Chine, en fait, donc c'est soit vous reconnaissez la Chine, soit vous reconnaissez Taïwan, mais si vous reconnaissez Taïwan, vous n'êtes pas ami avec la Chine, donc il n'y a pas de business avec les Chinois, voilà. Et les pays qui reconnaissent Taïwan, quand même, pour préciser, c'est quand même des tout petits pays, enfin des petits pays, des petits pays, c'est pas des petits pays dans le sens où c'est des pays insignifiants, mais c'est dans des pays d'Amérique centrale ou des îles du Pacifique. Il n'y a pas de pays d'Europe, par exemple. Enfin, je crois que le Vatican, si je ne me trompe pas, mais il n'y a pas de pays européens, par exemple, de pays industrialisés importants ou de pays très importants démographiquement qui reconnaissent Taïwan. C'est souvent des pays assez petit par le nombre de population ou la superficie ou le niveau d'industrialisation. C'est des pays qui sont souvent en fait demandeurs d'aide financière, et comme Taïwan possède des réserves importantes de devises et une certaine expertise technique tout de même, ils peuvent financer des projets d'infrastructure. Longtemps c'était en Afrique, il y avait une concurrence sino-taïwanaise. Maintenant Taïwan est quand même largement partie d'Afrique, mais on a encore des investissements taïwanais en Amérique centrale, Honduras par exemple, ou dans des îles du Pacifique. Voilà. Aux États-Unis aussi, ça ? Parce qu'en États-Unis, ménagent un peu la chèvre et le chou, parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec la Chine, évidemment, ni avec Taïwan, parce que ça fait contrepoids à la Chine. Ils ont des relations économiques avec les deux, et quand il y a une dispute, ils essaient de faire en sorte que la situation reste telle qu'elle, c'est le statu quo. Donc que Taïwan ne fasse pas un pas vers l'indépendance, et que la Chine ne fasse pas un pas vers la confrontation armée. Donc ils ont toujours une attitude conciliatrice vis-à-vis de Taïwan, pour éviter qu'en fait il y ait une guerre qui se déclare dans le détroit de Taïwan, parce que ça serait très dommageable pour les relations sino-américaines et taïwano-américaines. Donc ils veulent absolument pas de ça, les États-Unis. Donc jusqu'en 79, ils étaient pro-taïwanais pour des raisons d'anticommunisme. En 79, il y a un traité qui a été signé entre Taïwan et les États-Unis pour garder un certain niveau de soutien, parce que les États-Unis avaient reconnu la Chine en tant qu'interlocuteur entre deux. Mais depuis, les États-Unis sont pour le statu quo, bien évidemment. Ils veulent pas pousser ni dans un sens ni dans l'autre, parce que ils seraient perdants. S'il y avait une guerre, ils seraient perdants très clairement. Les États-Unis, Taïwan aussi, d'ailleurs, beaucoup plus que la Chine, parce que même si l'armée taïwanaise est très bien équipée, il y a quand même une disproportion de force qui d'ailleurs s'accentue maintenant. C'était peut-être moins le cas il y a 20 ans, qui fait que Taïwan, je ne pense pas qu'il serait capable de survivre à une attaque chinoise d'ampleur. Donc eux aussi, les Taïwanais ne poussent pas trop non plus dans le sens de l'indépendance, parce qu'ils ne savent pas quelles sont les conséquences sur la situation dans le détroit. Voilà. On va faire un test avec pour avoir un deuxième micro. Est-ce que ça marche ? Non, ça marche pas. Ah oui, peut-être l'allumer, oui. Voilà, bah c'est parfait. Donc tu peux garder ce micro à vie. Et on va prendre. Alors, madame, vous avez une question ? Non, juste quand tu parlais de l'armée, ça nous a rappelé une histoire de frégate qu'on leur avait vendue. Et ça va pas être suffisant contre les Chinois, donc, si je comprends bien. Comme je disais, il y a 20 ans, Taïwan était totalement supérieur à la Chine du point de vue militaire. Mais depuis quand même 10-15 ans, la Chine investit beaucoup dans son armée. Alors les chiffres sont très opaques, mais on parle quand même d'un budget de 100 milliards de dollars pour la défense chinoise. Donc ça permet de faire des achats, des investissements, des modernisations. Et le rapport de force maintenant, est, même s'il y a un différentiel technique, est quand même défavorable à Taïwan du point de vue militaire. Voilà. Non, ma question c'est plus pour savoir si les frégates de Taïwan, le scandale qu'il y a eu, avait aussi du retentissement. Enfin, quel retentissement il y avait eu à Taïwan même voilà. Ben, les frégates en tant que telles, elles ont été vendues, elles sont équipées, elles sont en fonctionnement. Après, il y a eu des enquêtes pour corruption parce qu'il y a quand même un officier taïwanais qui est mort. Donc c'est surtout au niveau judiciaire qu'il y a eu des conséquences, mais pas tellement au niveau politique. Ça s'est passé dans les années 90 et ça n'a pas empêché le parti au pouvoir de gagner l'élection en 96, 4-5 ans après, alors qu'il y avait le scandale des frégates en 80, années 90. Donc ça n'a pas eu tellement de répercussions politiques, c'est surtout au niveau judiciaire qu'il y a eu des conséquences vis-à-vis des frégates. C'est pas tout à fait parallèle à la situation en France où il y a quand même eu plus de personnes, enfin, et les politiciens incriminés en France, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé à Taïwan. Donc, c'est vraiment l'enquête sur la corruption et la mort du capitaine de la marine taïwanaise qui a le plus de répercussions. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ouais. Et du coup, ce que tu as confirmé tout à l'heure. Tourne-le. Ouais. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que du coup justement ce conflit entre les grands entrepreneurs, en fait, leur volonté et les petits entrepreneurs qui défendent peut-être par un modèle qui est plus traditionnaliste chinois, celui du travail en famille, peut-être, je sais pas, hein, c'est une question que je pose. Est-ce que du coup tu disais qu'il n'y avait pas de mobilisation sur les questions sociales, mais en fait j'ai l'impression que c'est un clivage social. Et voilà, j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et idéologique aussi. Idéologique, c'est un mot que je ne peux pas tellement employer dans le cas de Taïwan, parce qu'il y a quand même un certain consensus libéral, on va dire, à Taïwan. Il n'y a pas vraiment de parti comme ici, de gauche, vraiment. Quoi. Ils sont quand même un consensus. Après, c'est peut-être social-libéral ou vraiment néolibéral, si on veut, c'est ça, peut-être plus ça le clivage. Mais oui, il y a le. Est-ce que c'est vraiment le modèle de la familial chinois qui est en plein dans les PME à Taïwan aujourd'hui? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est plus un modèle à l'occidental, même si c'est dans des petites structures. Et les gens ne travaillent pas forcément en famille. Le conflit qu'il y a d'intérêt entre grandes entreprises et petites entreprises, il est plus lié au fait que les grandes entreprises sont très exportatrices et en retour importent à Taïwan, les petites entreprises produisent localement et auraient à subir la concurrence d'accords commerciaux avec la Chine. Et là, ça c'est le traité dont je parlais, ça concernait quand même le domaine des services, donc c'était un secteur supplémentaire ouvert à la concurrence avec les entreprises chinoises. Et du point de vue des mobilisations, comme je l'ai dit, en fait, je pense que c'est comme c'est très éclaté, il y a beaucoup de petites structures, c'est difficile d'avoir un mouvement social uni comme dans d'autres pays, parce qu'il n'y a pas suffisamment de grandes industries ou de grandes entreprises pour qu'il y ait un noyau dur social mobilisateur. Par contre, on mobilise plus sur les questions environnementales qui sont plus disons transpartisanes, et les mobilisations sur les droits civiques très importantes à Taïwan, qui sont capables de rallier plus de monde. Et d'ailleurs, au point de vue de la législation, elle est quand même, si on compare à d'autres pays européens, elle est quand même plutôt défavorable aux salariés, dans le sens où le temps de travail, je ne me trompe pas, de 40 heures encore à Taïwan, il n'y a pas de salaire minimum, enfin, tout un tas de. Les conditions de travail sont plus dures à Taïwan que dans d'autres pays similaires industrialisés. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ou comparaison. Pardon. Quel regard a porté le mouvement Tournesol au mouvement des parapluies? Est-ce qu'il y a eu des liaisons ou pas? Ben, en fait, comme j'avais dit, le mouvement des Tournesols, ça s'est arrêté au mois d'avril 2014, puisque ça s'est arrêté quand les revendications sur le traité ont abouti. Mais je pense qu'il y a eu des liens entre d'anciens des Tournesols qui sont allés à Hong Kong pour faire part de leur expérience, mais c'est pas au niveau des Tournesols lui-même, c'est plutôt au niveau de personnes, peut-être au sein d'ONG qui ont participé au mouvement des Tournesols, ou à titre individuel, qui sont allés à Hong Kong pour faire part de leur expérience. Mais il n'y a pas de lien entre Tournesols et parapluie, autre que le fait que les parapluies se sont peut-être inspirés des Tournesols. Voilà. D'autres questions? Ou est-ce que tu as des choses à rajouter? Bon. Alors, on va enchaîner, du coup. Peut-être... Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Jérémy. C'était passionnant. Ouais. On attend ou... Mais il n'y a personne. C'est à votre question, mec. Donc, Ouais. Bon.